sombre avenir. Je voulais annoncer la fin de mes tourments dans un vers si parfait que la moindre critique se serait diluée dans l'onde antipathique des jalouses rancœurs nées de l'enfermement. Mais non, point n'est bonheur dans l'asservissement. Au chagrin de mon cœur qui ne sont partagés par d'aucun, car neveu, même seul, même âgé, emmener mes amis dans mes épanchements. Chacun depuis longtemps vit cet envoûtement, alors que les plaisirs rythmaient le quotidien dans l'espoir de revoir des demains aussi bien que ceux que la mémoire rappelle tristement. Que faire? Tout recommencer? Et consommer encore ce qu'il faut désirer sans le vouloir, sans qu'on sache vraiment comment s'en émouvoir, et toujours se livrer aux modes proclamées. Car le monde réel ne survit que bradé aux peurs épicières d'affamés mercantiles, qui ramènent la vie de quelques imbéciles au moyen le plus sûr d'être bien regardé. Mais l'univers d'après se joue de ces modèles qui ne sont inventés que pour vivre du rêve, vendus sur catalogue, processus où s'achève la liberté du choix dans un piège éternel.